La fête du peuple de Joseph Lenoir. Enregistré pour LibriVox.org. Femmes de mon pays, blondes et brunes filles aux flottantes mantilles, hommes aux fronts amis, venez, la fête est belle, splendide, solennelle. C'est la fête du peuple et nous sommes ses fils. Quand il veut d'une fête, le peuple ceint sa tête, ses épaules, ses reins, l'érable et sa couronne, l'écharpe qu'il se donne, quoique noble, rayonne moins que sa gaieté franche et ses regards sereins. C'est la fête du peuple, accourez-y, nos maîtres, vous qui, pour son suffrage, avez tendu la main. C'est la fête du peuple. Allez, que vos fenêtres, de leurs riches pavois, ombragent son chemin. Cette bannière qui déploie nos couleurs sur l'or et la soie, n'est-elle pas bien belle à voir? Dirait-on pas que cette brise qui fait ployer sa lance grise anime son beau castor noir? Ami, j'ai vu de douces choses, des filles, des perles, des roses. Mais pour se contenter, il faut voir ce navire aux pleines voiles qui s'élance vers les étoiles, disant « Je voguerai plus haut ». Quand il a déroulé les plis de ses bannières, quand le parvis du temple a bruit sous son pied, le peuple, sublime. Oh, j'aime les prières et les chants de ce temple où tout homme s'assied. C'est la fête du peuple et son mâle génie, après les durs labeurs, demande les plaisirs. Il lui faut des festins, des bals, de l'harmonie. Les parfums du banquet apaisent ses désirs. Blondes et brunes filles, femmes de mon pays, aux flottantes mantilles, hommes au front ami, venez, la fête est belle, splendide, solennelle, c'est la fête du peuple et nous sommes ses fils. Fin du poème enregistré par Mika. Cet enregistrement fait partie du domaine public.